Le comité central du parti chundoïste Chongwu a envoyé le 31 mars un appel à toutes les organisations politiques et sociales et personnalités de divers milieux sud-coréens. L'appel indique notamment « Actuellement, les manœuvres militaires pour la guerre nucléaire livrées par les bellicistes américains et sud-coréens au sud de la péninsule coréenne vont précipiter d'un moment à l'autre la nation coréenne dans les affres de la guerre nucléaire. » Pour prévenir l'agression étrangère et défendre le peuple, c'est l'union de toute la nation loin de se consoler. Face à la sérieuse situation, nous appelons ardemment les organisations politiques et sociales ainsi que les personnalités de tous les milieux sud-coréens à s'engager tous dans la lutte pour défendre la paix de la péninsule coréenne et la sécurité de la nation. Il faut que tous engagent la lutte pour déjouer les manœuvres militaires américano-sud-coréennes de nature agressive qui aggravent la tension militaire et amènent les dangers de guerre nucléaire dans la péninsule coréenne et empêcher l'introduction des équipements militaires meurtriers des États-Unis censés de faire éclater la guerre nucléaire dans la péninsule coréenne. Avec le même esprit d'avoir proclamé la fin tragique à la traîtresse sans précédent de la Maison Bleue, les hommes politiques et les membres des partis politiques doivent se faire pionniers et avant-gardistes dans la lutte pour liquider parfaitement la bande des traîtres nuisant à la dignité et aux intérêts de la nation en suivant les forces étrangères et prévenir les catastrophes de la guerre. Les chundoïstes du Nord et du Sud doivent s'unir étroitement en continuant l'âme et l'esprit des aînés qui ont sacrifié la vie précieuse pour l'indépendance contre les forces étrangères et la paix sur ce sol sous le drapeau contre l'Occident et le Japon et pour la patrie et le peuple afin de se mettre à la tête du combat sacré patriotique et juste visant à repousser résolument la provocation militaire insensée et les menées de la guerre nucléaire des bellicistes du pays et de l'étranger.